Vous aimez les super-héros ? Vous êtes fan de Captain America ? Vous trouvez que l'humour de South Park est indépassable ? Que Twitter ne devrait jamais, jamais modérer ses utilisateurs et que les trolls, eh ben, c'est rigolo ? Eh bien, peut-être êtes-vous libertarien sans le savoir. Ou du moins, peut-être, êtes-vous plus familier que vous ne le pensez de cette culture venue des États-Unis. Culture pop qui a le chic de nous rassembler en célébrant pourtant l'héroïsme et l'individualisme. Où on va, Rick ? On disparaît de la circulation, on part vivre dans les bois comme des libertariens. On chassera le lapin et on fera du commerce avec des morceaux de lingots d'or qu'on coupera au canif. Il y a plein de gens partout qui mettent le souk dans mes affaires. Mais j'ai un moyen d'arranger ça. Un moyen de garder les choses exactement comme elles sont censées être. Pour toujours. The purpose of this video today is to let you know who I am. I am not cutting my hair. I'm not changing the way I dress. I refuse to wear a suit. I am gay. I built one of the biggest facilities and the nicest facilities for exotic animals in this country as far as a private individual goes. And don't forget, I am now stepping my foot in the ring. To run for president. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? C'était ridicule, on doit choisir une nouvelle mascotte et on doit voter pour une poire à lavement ou un sandwich au caca. Puff Daddy? Ton ami Kyle m'a dit que tu comprenais pas que c'est important de voter. Hein? T'es pas au courant de ma campagne Vote ou Crève, on dirait. Vote ou Crève, et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que tu crois que je veux dire, bitch? Vote or die, motherfucker, motherfucker, vote or die. Rock the vote or else I'm gonna stick a knife through your eye. Democracy is founded on one simple rule. Get out there and vote or I will motherfucking kill you. Yeah, I like it when you vote, bitch. Bonjour Richard Memto. Bonjour. Vous êtes professeur, agrégé de philosophie depuis cette année, bravo, félicitations. Vous êtes également l'auteur de Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités. C'est paru aux éditions La Découverte en 2014. Alors on vient d'entendre tout un florilège d'extraits de ce qu'on pourrait dire donc de la pop culture, un extrait de Rick et Morty, une série d'animation, la grande aventure Lego. Figurez-vous que j'ai découvert que Lego avait donc son propre film, Joe Exotic hein, de la série Tiger King sur Netflix, et puis évidemment l'incontournable South Park. Est-ce qu'on peut dire avec tous ces extraits, Richard Memto, que la pop culture finalement est le terrain propice du libertarianisme? Il y a une interprétation libertarienne de plusieurs objets pop culturels qui devient célèbre et qui effectivement en plus suscite beaucoup de commentaires sur les forums, et effectivement plusieurs auteurs aussi sont libertariens. Donc il faudrait un peu distinguer, ouais, d'un côté des auteurs qui se revendiquent du libertarianisme et depuis longtemps, par exemple Steve Ditko, le créateur de Spider-Man, et de l'autre côté des commentaires des spectateurs pour se dire mais est-ce qu'il n'y a pas là un certain nombre de thèses libertariennes, est-ce que je peux pas être inspiré par tel ou tel personnage qui en fait me propose les principes randiens ou les principes libertariens les plus simples. Mais à partir du moment où un auteur est libertarien, on s'attend quand même à ce que sa création ait une tonalité, même si effectivement on peut toujours revenir sur cet éternel débat, la séparation entre l'auteur et l'œuvre. On peut se dire surtout que sur des séries assez actuelles qui vont être en général en phase en fait avec l'actualité, on va retrouver quand même cette tonalité-là. Même voir un engagement peut-être. Oui, alors c'est vrai que certains sont vraiment comme des militants. Mais parfois c'est beaucoup. Par exemple, plus... le créateur de Spider-Man, il est vraiment. Alors, voilà, c'est ça. En fait, Steve Ditko a arrêté. Donc c'est une anecdote assez fameuse, mais enfin du côté des lecteurs de comics, c'est qu'il a arrêté littéralement de travailler avec Jim Shooter, qui lui proposait une sorte de comics sur les différentes dimensions pour dire moi, en fait, t'as pas compris, je suis pas platonicien parce que je représente pas ce qui n'existe pas. Mm. Je suis aristotélicien et donc je représente que ce qui existe. Et il a dit what you see is what you get, quoi. Et donc à partir de là, il change radicalement, il crée un personnage qui est son personnage en fait fétiche qui s'appelle Mr. A, parce que comme le chapitre de Ayn Rand de la grève qui s'appelle A égale A. Oui, en reprenant justement un principe de la logique aristotélicienne. Alors je précise juste pour les auditeurs et auditrices que hier on a parlé d'Ayn Rand, donc libertarienne, qui ne se revendique pas comme telle, mais libertarienne, qui effectivement part de ce principe d'Aristote qui est que la réalité, l'existence existe. Exactement. Et du coup, Steve Ditko va un peu plus loin en quelque sorte, puisqu'il implique aussi, enfin son personnage implique une supériorité morale, et donc il veut aussi que tout le monde se rallie à sa cause. Et alors, c'est un personnage très bizarre puisqu'il punit les méchants, mais il leur envoie des cartes noires ou blancs puisqu'on peut pas être entre les deux. Donc c'est soit vous êtes dans la corruption, soit vous êtes dans le bien. Et c'est un personnage qui lutte en fait contre ce qu'on pourrait appeler les parasites de la société. Donc c'est pas un super. Quoi, les parasites de la société? Eh ben, c'est tous ceux qui vont être un peu, disons, qui vont profiter de la justice, comment dire, d'une redistribution, d'une justice sociale. Ce qu'on appellera en France les assistés. Oui, voilà, les assistés. Ou alors aussi tous ceux qui sont complaisants à l'égard du crime. Donc, et qui, globalement, n'ont pas de personnalité très forte ou pas de génie assez fort pour exister. Et qui se nourrissent, en fait, du génie des autres. Et donc, ce personnage-là, qui n'a que deux épisodes, hein, littéralement, et marque assez suffisamment le monde des comics pour ensuite se transférer à travers le fil d'Alan Moore dans Watchmen, par exemple, et devient une sorte de prototype des super-héros libertariens. Mais n'importe quel super-héros est libertarien d'une certaine manière, puisque il ne mise que sur lui-même, il ne doit son talent qu'à lui-même, il agit en dehors du cadre légal la nuit, de manière masquée, il échappe au contrôle, donc finalement les super-héros c'est vraiment l'incarnation du libertarien. Alors oui, puisque effectivement c'est des justiciers masqués qui n'ont pas le pouvoir de rendre justice, en tout cas pas le pouvoir, disons, que l'État leur prête, mais en même temps très rapidement il s'associe, il promeut des vertus d'altruisme, de solidarité. Ah oui. Donc au fond il représente éventuellement des nations. Donc il y a un moment où en fait ils font quand même ils fédèrent autour d'eux, ils font société, c'est ça, et société de super-héros aussi. Et donc ils sont plus aussi seuls qu'un personnage vraiment libertarien ou randien plutôt pourrait être. Avec aussi peut-être cette distinction, c'est qu'en fait il n'a pas le super-héros de rancœur, de ressentiment à l'égard de ces petites personnes qui seraient juste des parasites. En fait, au contraire. Voilà, il n'affronte que des vrais super vilains. Donc le super héros est le pendant du super vilain ou vice versa, mais ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Or, le personnage un peu randien, le héros randien là, le Mr. A par exemple, il ne s'occupe que de ceux qui, je sais pas, profiteraient des allocations familiales ou ce genre de choses. C'est en fait des héros, enfin voilà, qui vraiment repoussoir un peu, puis qui s'attarde que sur des petits délits, enfin c'est pas très intéressant. Et en même temps c'est leur intransigeance qui frappe. C'est un Mr. A, il est drôle à lire parce que finalement là où la plupart des super-héros veulent s'occuper que du super-vilain, eux ils chopent tous les autres, voilà, et ils les punissent effectivement pour leur compromission. Alors on va écouter l'extrait, enfin la voix en fait d'un super-héros plutôt classique, hein, qui fait justice, c'est celle d'Iron Man. Mr. Stark, could we pick up now where we left off? Mr. Stark, please. Yes, dear. Could I have your attention? Absolutely. Êtes-vous, oui ou non, en possession d'un nouveau type d'armement? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, mais ça dépend de ce qu'on entend par armement. C'est Iron Man, par exemple. Mon armure ne correspond pas à cette description. En ce cas, comment vous décririez votre armure? Je me contenterai de la prendre pour ce qu'elle est, monsieur le sénateur. C'est-à-dire? C'est une sorte de prothèse high-tech. Je crois que j'aurais du mal à en faire une description plus parfaite. C'est une arme, monsieur Stark, d'un vrai. Je vous en prie, si votre priorité était de sauver, de protéger. Non, ma priorité est de faire d'Iron Man la propriété du peuple des États-Unis d'Amérique. Eh bien, vous pouvez toujours courir. Je suis Iron Man. L'armure n'est qu'une extension de moi. Et la livrer au gouvernement reviendrait à me contraindre à prendre part à ma propre servitude ou à la prostitution, en fonction des lois locales. Et je m'y refuse. Écoutez, je ne suis pas un expert... En prostitution? Un sénateur comme vous? Sûrement pas. Je ne vois aucune raison de... En fait, ce que je veux dire, c'est... Dorian? Pourquoi? D'accord. Parce que je suis votre bouclier antinucléaire. Il est opérant, nous sommes saufs, l'Amérique ne risque rien. Vous voulez ma propriété? Eh bien, je refuse, mais je crois que j'ai fait beaucoup mieux. J'ai réussi à privatiser la paix mondiale. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il n'y a pas plus libertarien comme extrait, hein. Je crois, Richard Memento, on vient d'entendre un extrait de Iron Man 2, le film de John Favreau qui est sorti en 2010. Tony Stark, donc Iron Man, interprété par Robert Downey Jr. Pas plus libertarien parce qu'on entend quand même les termes clés de privatisation, de propriété de soi, et puis clairement un anti-étatisme qui se joue à l'égard du sénateur Stern auquel s'oppose Tony Stark. Voilà, alors c'est le méchant un peu médiocre en fait qu'il affronte, et l'autre méchant un peu médiocre, c'est Hammer, donc je ne sais plus comment son prénom, mais qui lui représente un peu l'industrie de l'armement, qui veut vivre de ce qu'il pourra grappiller à Tony Stark. Mais ceci ceci étant, le concept quand même de prothèse qu'invoque Tony Stark est pas faux d'un point de vue libertarien. Ouais. C'est-à-dire que c'est sa propriété, c'est son propre et c'est une extension de lui-même. Et c'est exactement ce qu'on a vu cette semaine, Richard Memento, sur les libertariens, à savoir que la propriété de soi, ce n'est pas que son corps, mais en fait, ça s'étend sur tout ce qui déborde son corps et sur lequel on a travaillé ou exploré ou développé. Voilà. Alors après, c'est le propre de la pop culture de pouvoir inventer des mythes qui justifient ça, puisqu'en l'occurrence, Tony Stark ne peut pas vivre sans cette armure, enfin, sans le cœur, là, qui lui permet de produire de l'énergie alors qu'il est blessé gravement. Donc, en fait, c'est une, alors, dans le récit, c'est une réalité, mais en même temps, pour nous qui voyons ça, c'est une théorie. Donc, ce qui est fiction peut devenir théorie, et en l'occurrence, sur l'armure, enfin, ou sur la prothèse, il ne la cède finalement qu'à son ami qui lui-même pourra la piloter, parce que il est assez malin pour pouvoir effectivement intégrer cette armure en quelque sorte à son propre corps. Donc, c'est vraiment tout le fil de ce que représente l'armure dans Iron Man qui est interprété sous l'angle un peu libertarien. Mais, et c'est là le point quand même, si on passe à d'autres Iron Man, enfin c'est à la suite, en fait, il n'est plus du tout libertarien. C'est-à-dire que la pop culture présente ce mythe, elle peut en faire un personnage, mais un personnage qui est travaillé, et au moment où il développe en fait cette propriété, travaillé par d'autres choses. Et notamment, son problème à Tony Stark, c'est qu'il est angoissé, et qu'en fait, il va demander aux super-héros de s'allier entre eux. Finalement, il va même leur demander de travailler pour le gouvernement, et il va devenir tout sauf libertarien. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... Là où il y a une épaisseur quand même du personnage. Exactement. Mais en même temps, je crois que c'est le propre développement de la théorie libertarienne qui produit ces antagonismes et ces contradictions. C'est-à-dire que c'est très beau quand c'est un mythe, simplement un mythe, mais très vite on se rend compte que le mythe n'est pas suffisant. Et c'est ce qu'on va entendre notamment dans cet autre extrait de Captain America Civil War où justement celui qu'on pensait être plutôt le grand défendeur des États-Unis en tant que tel de la collectivité états-unienne, si je puis dire collectivité pour les États-Unis, finalement va se retourner contre cette association. Il est indéniable que notre monde a une immense dette envers les Avengers. C'est certain. Vous nous défendez. Vous vous battez pour nous, au péril de vos vies. Et pourtant, si pour l'opinion publique vous êtes des héros, certains... emploient plutôt le mot justicier. Et vous, quel mot choisiriez-vous, monsieur le secrétaire d'État ? L'adjectif dangereux. Comment qualifier autrement un groupe d'individus optimisés qui, alors qu'ils sont basés aux États-Unis, s'autorisent à ignorer systématiquement les frontières et à imposer leur volonté quand il leur plaît et où bon leur semble, et qui plus est, sans prendre en compte les pertes que ça peut occasionner. Depuis 4 ans, vous vous êtes arrogé des pouvoirs quasiment illimités. Vous avez opéré sans aucun contrôle. C'est un état de fait que les gouvernements du monde ne sauraient en aucun cas tolérer. Mais je crois que nous avons trouvé une solution. Les accords de Sokovie. Ils ont été approuvés par 117 nations. Il en ressort que les Avengers ne seront plus une organisation privée. Et que désormais, ils opéreront sous le contrôle d'un comité des Nations Unies. Et uniquement lorsque cette autorité l'aura jugé nécessaire. Les Avengers ont uni leurs forces pour rendre le monde plus sûr. Et je pense qu'on a réussi. Dites-moi, Capitaine, savez-vous où sont Thor et Banner à l'heure où nous parlons ? 2 bombes atomiques qui se baladent dans la nature, ça peut avoir de très fâcheuses conséquences. Compromis, responsabilité, 2 mots-clés dans le monde d'aujourd'hui. Croyez-moi, c'est un arrangement raisonnable. Donc c'est Captain America dans ce film, hein, Captain America Civil War de 2016 d'Anthony et Joe Russo qui refuse cette proposition selon laquelle il devrait être pris en charge en fait d'une certaine manière par l'État et ne plus échapper au pouvoir. C'est vrai que l'argument quand même de cette proposition qui joue en cette faveur, c'est quand même effectivement que les Avengers ont un pouvoir illimité et que finalement les libertariens, dès lors qu'ils échappent à l'État, dès lors qu'en fait ils peuvent concrétiser ce qu'ils veulent être, à savoir échapper à tout contrôle, deviennent eux-mêmes un pouvoir qu'il s'agit quand même de limiter. Ils forment une sorte de danger, de menace permanente, d'explosion, de désunion, de désordre. Alors c'est vrai que dans cette évolution, parce que du coup là on saute, enfin on a 10 ans à peu près de continuité sur un arc narratif, mais il y a une fonction du coup du libertarianisme qui apparaît, c'est de justifier aussi ce retour à une sorte de comment dire d'ordre étatique, c'est-à-dire là à peu près compris comme un monopole en fait, monopole sur les armes, monopole sur la violence. Et de ce point de vue-là, le premier Tony Stark apparaît comme l'idiot utile en fait, d'un retour à un ordre très très militaire, très national. Alors ce qui est étonnant quand même, c'est que effectivement c'est Captain America qui va au fond essayer de devenir le héros discret, le héros presque en fait l'espion, c'est-à-dire à la James Bond, puisque James Bond a eu un même tournant comme ça. Mm-hmm. Il a fallu justifier l'existence de héros qui travaillaient un petit peu comment dire, des plus rangés, voilà, qui étaient un peu plus lisses même, en dehors, physiquement même. Effectivement, en dehors aussi de comment dire de ce que le peuple peut percevoir, oui, d'eux, enfin en dehors du champ médiatique, parce que au fond c'est le problème de la confiance qui est posé au bout d'un moment, c'est-à-dire les super-héros sont super, mais est-ce que les gens est-ce qu'ils sont capables de les aimer quand même, d'avoir confiance en eux, et est-ce que le génie, si on devait rentrer dans des catégories peut-être plus générales et plus philosophiques, est-ce que le génie peut quand même être compris de ces gens qui seraient pas aussi géniaux, est-ce que Superman par exemple va juste paraître pour ce qu'il est, c'est-à-dire un alien invulnérable, ou est-ce que il va au fond devenir quand même l'incarnation d'un idéal humain, de perfectionnement humain. Et en fait, c'est peut-être ce moment-là qui devient compliqué à tenir quand on est libertarien, c'est-à-dire que il y a peut-être un retournement ici. Si effectivement le super-héros est super, et si au fond les humains sont incapables de comprendre en quoi il va porter un idéal, eh bien ce super-héros doit se transformer en fait en super-chef de guerre, c'est-à-dire au fond en chef autoritaire. Et réussir à ce que vous voulez dire, non pas à les fédérer, à démocratiser, à se rendre accessible, mais au contraire en fait à les écraser, c'est ça ? Exactement, à les écraser. Et donc c'est vrai que dans l'univers d'ici, il y a souvent cette espèce d'inversion qui est proposée, où en fait Superman devient un super dictateur de la planète entière. Et donc c'est toujours une possibilité, c'est-à-dire que on sent notamment, c'est en fait depuis les années 80 et depuis Alan Moore, pour le dire rapidement, c'est toujours une possibilité qui est évoquée, voilà, au fond de se faire écraser par celui qu'on admirait, et peut-être aussi pour réactiver systématiquement le contrat de confiance qui est passé à l'égard de ses super-héros. Mais ce qui est complètement paradoxal, parce que les libertariens, en fait, on peut les trouver égoïstes, insensibles, mais a priori, quand même, un de leurs premiers principes, c'est le principe de non-agression. C'est de laisser l'autre tranquille. Or là, ça veut dire aussi que même le libertarianisme serait coupable, en fait, dès qu'il veut prendre une certaine forme politique ou de pouvoir, d'écraser les autres. Et que le pouvoir ne peut donc jamais échapper à ce qu'il est, à savoir le pouvoir et donc une forme d'autoritarisme. Oui, mais à mon avis, c'est d'ailleurs tout le problème. C'est si on énonce ce principe de non-agression, on peut aussi énoncer des conditions au nom desquelles il y a agression. Et c'est tout le problème aux États-Unis, c'est-à-dire que est-ce que si je vais devoir stand your ground, je sais plus comment c'est traduit, mais conserver mon territoire, est-ce que je vais pas pouvoir au fond traiter l'autre du coup d'agresseur et le tuer? Et en l'occurrence, il y a un épisode de South Park assez drôle là-dessus où justement Cartman fait venir le personnage noir dans une espèce de petit cercle qu'il a tracé sous prétexte de lui faire un petit check, c'est-à-dire de lui taper la main, et au moment où Token, donc le personnage noir, traverse ce cercle, il lui tire dessus, parce qu'au fond la non-agression, elle sert aussi à définir ce qui sera l'agression. Et alors, c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté en fait qui des libertariens, qui est non seulement la forme politique qu'ils peuvent prendre en se réunissant, et puis aussi en fait la manière dont ils ne parviennent pas aussi à établir des normes, des règles communes aussi de morale. C'est-à-dire que puisque c'est mon individualité, puisque c'est mon corps, ma propriété privée qui doit me dicter un certain nombre de règles à suivre en fonction de mes droits naturels, eh bien moi je peux estimer que là je me sens en danger et un autre peut ne pas s'estimer en danger dans la même situation. Le problème, c'est en fait le manque d'uniformité en fait de cette mouvance. Oui. Alors, en même temps, c'est son côté amusant. Attractif. Attractif, voilà, parce qu'apparemment, chacun, il serait au fond accueilli tel qu'il est, je veux dire, et dans toute sa diversité et son extravagance. Mais très rapidement, on se rend compte que, puisque la règle, c'est simplement les échanges, si vous laissez effectivement le marché simplement placer les individus dans cette société, il y en aura qui seront plus riches. Ce sera le signe de leur réussite et de leur génie, d'ailleurs. Et au nom de cette réussite et ce génie, ils finiront forcément par écraser les autres. Je signale juste au passage, pour l'évoquer rapidement, il y a un jeu vidéo entier qui est fondé sur ce point, qui s'appelle BioShock, donc qui est au départ la présentation d'une utopie où chacun alors, est invité par quelqu'un qui s'appelle Andrew Ryan, donc c'est un anagramme à peu près correct de Ayn Rand. Et au fond, très vite dans cette société, bah, les plus riches vont pouvoir écraser les plus pauvres. Et vous, en tant que joueur, vous êtes supposé prendre parti pour savoir si vous allez effectivement participer à ce massacre ou au contraire chercher à l'arrêter. Vous y avez joué ? J'ai commencé, mais j'ai pas tenu. C'est un peu horrifique et c'est très bizarre. Parce que dès le début, on doit savoir si on tue des petites filles ou pas. Donc, Oui, d'accord, ok. Il y a de quoi être un petit peu rebuté. Quand même, en fait, c'est tout aussi l'enjeu du libertarianisme, de se demander à un moment donné, et c'est ce que permet de voir la fiction, si en fait tous les principes qu'elle promeut ne se retournent pas contre eux-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, le marché libre, on l'a vu hier avec Ayn Rand, devient en fait un marché, un capitalisme financier écrasant et tout puissant. Le marché libre, en fait, donne lieu à des monopoles qui écrasent les autres manières de commercer. Quand on est un individu génial, du coup, on devient un tyran. Finalement, en fait, le libertarianisme ne fait pas peur par les principes qu'il promeut, mais par le risque que contiennent ces principes. Oui, et c'est vrai que c'est le propre de la pop culture de pouvoir développer en quelque sorte tous ces effets et d'en voir ce qui serait en tout cas la version peut-être la plus sombre, parce qu'après tout, s'il y a des créations de mythes dans la pop culture, il y a aussi parfois des espèces de créations de dystopie horrifique. Et en même temps, j'ai envie de dire, si ça reste quand même très très très séduisant, c'est qu'au fond... La pop culture, elle adresse des blocs de problèmes. Elle traite pas des problèmes de façon très analytique comme en philosophie. Et dans ces blocs de problèmes, il nous faut une solution simple. Et la solution simple, extrêmement réductrice, mais qui semble fonctionner a priori, c'est la liberté. Et donc, au fond, si on n'a pas le temps de lire des tonnes de livres de philosophie et qu'on voit juste à peu près ce qui nous permet de capter le plus d'expériences qui sont les nôtres à travers un film à peu près d'une heure et demie, on se rend compte que ça peut fonctionner. Une heure et demie d'expérience avec une solution simple à liberté, on achète. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, à mon avis, le libertarianisme est de notre époque. Et il est vendeur. Oui, il est très vendeur parce qu'il permet de résoudre d'un coup toutes ces difficultés. En fait, la difficulté principale... Mais simpliste alors aussi. Et simpliste aussi, parce que c'est ce qui va nous séduire. Mais la difficulté principale, c'est de savoir comment on réussit dans une société démocratique où, a priori, les génies peuvent être contraints par l'homme ordinaire, par le dernier homme, si on reprenait des termes un peu nietzschéens. Mais on a aussi ce problème de la responsabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous reste en démocratie quand notre pouvoir est complètement pulvérisé à travers mille institutions? Et au fond, le libertarien adresse vraiment un principe très net et effectivement très séduisant. Vous avez prononcé le mot, Richard Memento, d'extravagant, et c'est vrai que il n'y a pas que des thèmes anti-État, des thèmes libertariens dans la fiction et à travers les super-héros. Il y a aussi beaucoup en fait de personnages extravagants qui dérangent, un peu punk, on pourrait dire, je ne sais pas si ça adapte vraiment au libertarianisme, mais qui en tout cas détonnent. Et c'est le cas de Joe Exotic dans la série Tiger King. Voici Joe Exotic dans l'épisode Avaler tout cru. Joe a toujours voulu faire de la télé-réalité. Imaginez, un gay dans un zoo avec un flingue. Bien sûr qu'il était partant. Salut, je m'appelle Joe Exotic ou le roi des tigres. Le plouc gay avec un flingue et une coupe mulet. C'est un personnage complètement folklore qui vit au fin fond de l'Oklahoma avec des tigres, des lions, des ours et des singes par centaines. C'est un type complètement barré et pourtant il déborde d'assurance parce que dans sa tête, il est le roi du monde. Il était prêt à tout pour devenir célèbre. Je l'ai vu virer des employés juste parce qu'il savait que les caméras tournaient. T'as un problème ? Il suffisait d'allumer les caméras aux réunions du matin pour mettre le feu aux poudres. Il partait au quart de tour. Tu trouves ça drôle ? Eh ben, prends tes affaires et dégage maintenant. Ce manque de respect, je te l'aurai pas. Je n'ai payé aucune capitation depuis 6 ans. Cela me valut de passer une nuit en prison. Tandis que j'étais là à considérer les murs de grosses pierres de 2 à 3 pieds d'épaisseur, la porte de bois et de fer d'une épaisseur d'un pied et le grillage en fer qui filtrait la lumière, je ne pus m'empêcher d'être saisi devant la bêtise d'une institution qui me traitait comme un paquet de chair, de sang et d'os bon à être mis sous clé. Je restais étonné de la conclusion à laquelle cette institution avait finalement abouti, à savoir que c'était là le meilleur parti qu'elle pût tirer de moi. Il ne lui était jamais venu à l'idée de bénéficier de mes services d'une autre manière. Je compris que si un rempart de pierre s'élevait entre moi et mes concitoyens, Il s'en élevait un autre, bien plus difficile à escalader ou à percer, entre eux et la liberté dont moi je jouissais. Pas un instant, je n'eus le sentiment d'être enfermé, et les murs me semblaient un vaste gâchis de pierre et de mortier. J'avais l'impression d'être le seul de mes concitoyens à avoir payé l'impôt. De toute évidence, ils ne savaient pas comment me traiter et se comportaient en grossier personnage. Chaque menace, chaque compliment cachait une bévue, car ils croyaient que mon plus cher désir était de me trouver de l'autre côté de ce mur de pierre. Je ne pouvais que sourire de leur empressement à pousser le verrou sur mes méditations, qui les suivaient dehors en toute liberté, et c'était d'elles assurément que venait le danger. Ne pouvant m'atteindre, ils avaient résolu de punir mon corps, tout comme des garnements qui, faute de pouvoir approcher une personne à qui ils en veulent, s'en prennent à son chien. Je vis que l'État était un nigo, aussi apeuré qu'une femme seule avec ses couverts d'argent, qu'il ne distinguait pas ses amis d'avec ses ennemis, et perdant tout le respect qu'il m'inspirait encore, j'eus pitié de lui. Le rapprochement est peut-être un peu surprenant, mais je trouve qu'il fonctionne quand même plutôt pas mal entre Joe Exotic de la série Tiger King. Donc, Joe Exotic, il faudra que vous nous le présentiez, Richard Memento. Et en tout cas, de l'autre côté, donc, ce texte de Henri David Thoreau, texte très important de la désobéissance civile, il y a un parallèle parce qu'il s'agit de deux personnages qui sont en fait, excusez-moi du mot, de sacrés emmerdeurs et qui en fait prétendent échapper au pouvoir de l'État, soit en ne payant pas leurs impôts, soit en essayant de tuer une autre personne dans le cas de Joe Exotic, mais qui en tout cas en fait ont une forme de liberté qui dépasse même les murs d'une prison, les normes imposées, les lois, et qui en fait ont une extravagance qui à la fois dérange et en même temps est extrêmement attractive. Oui, alors c'est vrai que ce sont tous les deux là des hors-la-loi. Pour Joe Exotic, alors il faudrait reprendre la série de condamnations qu'il a eu, mais oui. C'est vrai que ça commence par des menaces de mort. Ensuite, je crois qu'il est accusé de maltraiter ses propres animaux. Enfin, Joe Exotic, veut dire qu'il a un zoo donc oui. Aux États-Unis. C'est un personnage, voilà, on l'a entendu. Voilà, il est gay, il a un look improbable. Voilà. Il se situe vraiment, comme étant pleinement lui-même et oui. De manière pas du tout dissimulée. Oui, alors c'est le côté étonnant, c'est que. Alors, si je reprends pour Thoreau, parce que ouais. On peut partir de Thoreau. En fait, l'idée, c'est que dans ces murs de prison, il va trouver que c'est effectivement la place juste que doit avoir un homme libre dans cette société. Et il y rencontre d'autres personnes. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il est seul, mais pas complètement seul, puisqu'il y rencontre, en tout cas dit-il, l'esclave qui s'enfuit, l'Indien dont on a privé les terres, etc. Donc il y a comme ça une sorte de peuple en fait marginalisé. Qui se présente à lui et qui peut-être former une alliance. Donc c'est le moment où en fait les marginalisés en quelque sorte se retrouvent entre eux dans toute leur diversité de situation. Et c'est vrai que Joe Exotic au fond c'est celui qui n'est pas normalement dans les cases. Et c'est pour ça qu'on le présente comme un plouc de l'Oklahoma mais qui est en même temps gay et qui en même temps adore les ce qu'il appelle les big cats. Donc il correspond à rien de connu. Et c'est la preuve en quelque sorte d'une liberté qui serait assumée jusqu'au bout. Donc il y a un personnage extravagant là aussi. Et c'est ce qui probablement est amusant avec le libertarianisme, c'est qu'on est supposé rencontrer des gens qu'on ne verra pas en fait dans le reste du monde, dans le reste d'un monde très ordonné où effectivement le fonctionnaire serait supposé dominer ou alors le cadre sans relief, etc. Donc tout à coup il apparaît Joe Exotic et je le dis quand même au passage, c'est vrai que c'était une émission de télé-réalité pendant le confinement qui a eu un succès assez dingue, mais parce qu'au fond je pense qu'il le remettait tout à coup en lumière. Tout ce monde qu'on avait oublié, qui n'était pas le monde du travail ordinaire, et qui est le monde en fait de, alors comment dire, de ces gens qui pensent être rois dans leur tête, mais qui en même temps sont des losers un peu flamboyants, mais des losers quand même. C'est-à-dire que, en l'occurrence, dans l'Oklahoma, il a tenté d'être libertarien. C'est pour ça peut-être qu'on en parle aussi ce matin, c'est qu'il s'est présenté comme candidat et il s'est présenté avec une chanson un peu folle. Il dit je regarde le tigre, mais quelque chose comme ça. Je regarde le lion et puis le lion me regarde. Et donc il y a ce rapport aussi chez Joe Exotic à la nature, qui est peut-être commun. Si on veut encore faire un parallèle avec Thoreau, c'est que effectivement, il prend sa véritable dimension parce qu'il est capable d'affronter les lions, les tigres, alors qui sont quand même dans des cages chez lui, mais parmi lesquels il aime se déplacer de temps en temps et qui lui attaque la jambe, hein, puisque quand on le voit faire sa déclaration à la candidature, là, en fait, il est blessé. Et un autre moment de la télé-réalité, c'est aussi d'avoir une de ses employées qui se fait manger la main, elle carrément, et qui dit bah oui, mais en fait c'est le lion, il a le droit, quoi. Enfin, c'est pas un lion, c'est peut-être un tigre, enfin je sais plus, un big cat, quoi. Ils appellent ça les big cats. Donc en fait, il y a cette idée qu'on peut pas mentir face à la nature et que c'est là qu'on doit être, qu'on doit estimer sa vraie valeur. Ce qui est très voilà, comme Ayn Rand dont on a parlé hier, à savoir en fait l'individu, la réalité existe, et en fait moi, ma raison d'individu va devoir me permettre d'affronter en fait les contraintes que la réalité m'oppose, et c'est parce que je suis rationnelle et raisonnable que je vais pouvoir en triompher et affirmer mon individualité. Mais ce qui plaît peut-être avec Joe Exotic, c'est peut-être aussi qu'il n'y a plus en fait cette scission entre ce qu'on pourrait appeler un moi social et un moi profond, privé. C'est-à-dire qu'en fait, le libertarianisme fait craquer le vernis en fait des conventions sociales. D'ailleurs, Ayn Rand disait qu'en fait société est une abstraction affreuse qui enfermait les individus, et c'est exactement ce qu'on retrouve là en fait. Pourquoi Joe Exotic nous plaît, parce que il casse ces cases là. Il est désinhibé. En fait, là dans la série, mais c'est normalement ça va crescendo. Donc là, on donne tous les éléments d'un coup, mais on se rend compte aussi qu'il est polygame, donc il s'est marié avec deux hommes qui sont pas d'ailleurs forcément gays. Il y a toute une ambiguïté sur son rapport à ses partenaires. Il est effectivement, donc il adore les armes, et il lance une sorte de vendetta contre celle qu'il aime pas, mais qui est un petit peu son double féminin, plus politiquement correct, qui fait des spots pour défendre les big cats encore une fois, mais qui en fait, dit-il, est comme lui. Donc il y a cette, enfin même ses pulsions donc de vengeance sont tout à fait assumées. Il y a quelque chose qui n'a aucun filtre. Et en même temps, comment dire, peut-être qu'il est flamboyant, mais et je crois vraiment que c'est quand même là. C'est au fond, on est touché par le fait que se croire à ce point roi des tigres suppose une sorte de folie, en fait. On a un personnage qui est probablement traumatisé à plusieurs degrés. Donc, on a quand même une sorte de, en fait, d'empathie et même d'altruisme presque, puisque. Vous trouvez vraiment? Ah ouais, moi, enfin, je veux dire, enfin oui. Enfin bon. J'ai commencé à regarder la série, je l'ai arrêtée parce que je la trouvais vraiment, elle m'était vraiment mal à l'aise, parce que justement, ce personnage-là, en fait, voilà, on en rit parce que c'est un plouc, parce que sort des cases, et en fait je trouve que ça laisse peu de place à l'empathie. Mais alors justement, le côté amusant, c'est que si on en rit, on sait en réalité qu'on est, comment dire, on est presque sa cible, du coup, puisqu'on est celui qui se tient dans le centre de la société et qui rit de ceux qui sont en marge. Et au fond, il le sait qu'il est en marge, mais il assume d'être aussi socialement complètement en marge. Donc je pense que, enfin, notre rire, si c'est un rire de moquerie, et presque dénoncé, enfin, ou en tout cas anticipé par Joe Exotic comme étant le rire de ceux qui sont effectivement bien pensants, etc. Enfermés dans des conventions sociales. Parce que très vite, en fait, on va repasser par les catégories qui sont celles du débat public, c'est-à-dire les bien pensants et les rebelles ou les non-conformistes. J'aimerais qu'on écoute assez vite une chanson qui est assez insupportable, donc je voulais quand même prévenir les auditeurs et auditrices. C'est la chanson de Lemon Hope, c'est un personnage d'une série d'animation américaine qui s'appelle Adventure Time. Lemon Hope's got feet that take him to fun. Lemon Hope's got meat that's warm in the sun. Lemon Hope's got no future plans, fully undeterred. No shirts, no pants, no wants, no kinks. My body's free like a little baby bird. Caw! Lemon Hope's got legs that'll strut hot struts. Lemon Hope's got thighs that'll pump butt butts. He's got a harp, he's got a flute. Free to strum, hope, free to toot. Free from PB gum, I'm a lemon of freedom. Je suis un citron de liberté. Bah vous aimez bien cette chanson, Richard Memento. Oui, mais en fait, c'est parce qu'elle me rappelle un peu comment dire, des sortes d'erreurs, des petites dissonances à la Robert Wyatt, mais c'est un peu moi tout seul, je pense. Mais non, et par ailleurs, les musiques de la série sont assez travaillées pour avoir ce côté imparfait, mais touchant. fait, un parfait mais un peu urticant aussi. Et c'est un peu là-dessus aussi que je voulais vous interroger, c'est que ces personnages libertariens, ils ont un côté extrêmement séduisant quand ils sont des super-héros, et puis quand ils deviennent gentils aussi, du coup, ils n'écrasent pas les autres, ils ne deviennent pas de méchants tyrans, voilà, qui aristocratiques, mais ils ont aussi, en fait, ce côté assez, soit en fait, effectivement, presque, enfin, qui suscite un peu la pitié, comme Joe Exotic, soit en fait, qui deviennent détestables. Et donc, il y a ce personnage de Lemon Hope qui est à la fois, en fait, un libertarien, donc dans cette série d'animation Adventure Time, qui est à la fois un peu mignon et puis en même temps, qui est insensible, qui ne pense qu'à lui. Et ça, ça montre bien les nuances, en fait, du libertarien. C'est pas juste, en fait, des personnes solitaires qui ne pensent qu'à eux, qui sont au fin fond de la forêt. Il y a aussi quelque chose dans la société, ils incarnent, ils ont un rôle en fait social. Oui. Je pense que en fait c'est effectivement des personnages et bon, Joe Exotic, on peut le prendre en pitié, mais il sait qu'il va détonner. Mmh. Il sait qu'il serait, on dirait peut-être en langage de com, polarisant. Et au fond, alors il le sait, mais en même temps, c'est un peu comme Lemon Hope, donc effectivement, ils incarnent quelque chose, un choix radical. Et je crois que c'est là où malgré, donc, ou en dépit de tout le côté spectaculaire qui fait que le libertarianisme est tout à fait solvable dans la pop culture, il y a aussi une vérité, c'est que en fait, ce choix radical de se confronter, alors soit des tigres, soit donc dans le cas de Lemon Hope de vivre en quelque sorte seul dans une sorte d'état de nature rousseauiste quoi. Et ben ce choix radical, on est peu à le faire. En réalité, mais est-ce que c'est même possible de le faire? Oui, alors c'est le côté amusant, c'est que il y a une sorte de défi qui est lancé en disant et il y en a peu en réalité des libertariens qui seraient très conséquents de ce point de vue-là, c'est-à-dire en fait des libertariens primitivistes comme Lemon Hope qui partent dans la nature en se disant bon bah OK, on va faire notre cabane un petit peu comme dans la présentation comme Rick disait, en fait, c'est des types qui vivent dans une cabane, ouais, dans Rick et Morty. Voilà, c'est ça qui essaie de refaire en quelque sorte reproduire les bases d'une société à peu près juste. Il y en a très peu qui vont jusque-là. Ouais. Mais en même temps, c'est au fond, d'abord, ça nous permet de prendre conscience peut-être de notre degré de compromission. Bon, alors, après, on peut en discuter. C'est un peu une philosophie, disons, un peu adolescente. Mais disons que ce sont des révélateurs. Mais voilà, ce sont des révélateurs. Et aussi, je veux dire, il y a une mythologie. C'est-à-dire que là, Lemon Hope, en fait, dans, encore une fois, le dessin animé et dans l'évolution du personnage, il va se rendre compte que cette liberté radicale n'est pas possible. Elle est transitoire. C'est un passage, quoi. Et elle va devoir être presque dialectiquement ensuite se transformer en liberté civile. Donc c'est même une mise à l'épreuve par la fiction, donc à travers la réalité de la fiction, si je puis dire, des thèses libertariennes. Ce qui fait qu'en fait un libertarien dans la fiction va incarner pour nous une véritable expérience de pensée. Oui, en fait ce sont même nos mythes politiques en fait qui sont mis à l'épreuve par le libertarien, puisque le mythe de l'état de nature qui permet ensuite le contrat social. Bon. Chaque année en philo, on le fait, mais oui. mais plus que ça, c'est quelque chose qu'on peut activer de temps en temps. C'est-à-dire que on se dit que la société doit être probablement meilleure qu'un état d'anarchie naturelle. Donc ces différentes œuvres qui sont vraiment très hétérogènes entre elles, en fait, elles réactivent notre propre inconscient républicain, quoi, notre inconscient politique de façon plus large. Et peut-être en ça, elles sont intéressantes. Après, très rapidement, elles montrent en fait les limites de ce libertarianisme un peu radical. Mais jusqu'où a-t-on conscience de ça, Richard Memento? C'est-à-dire que quand on regarde cette œuvre-là, on va peut-être pouvoir se questionner, peut-être de manière un petit peu, on va dire, confuse, justement, sur ce degré de compromission, sur cette possibilité d'une radicalité ou d'une impossibilité. Mais jusqu'où on va se dire, après avoir regardé cet ensemble, donc ça va de Iron Man, donc à Joe Exotic, et jusqu'à Adventure Time, ces questions-là? Mais en fait, effectivement, je crois qu'on doit prendre sa place de spectateur, c'est-à-dire que on doit se faire le relais au fond de cette première proposition et peut-être la critiquer. La plupart du temps, en fait, c'est vrai qu'il y a une sorte de fond libertarien, mais il est jamais complètement développé en réponse théorique satisfaisante. Et vraiment, c'est notre, on est provoqué, quoi. On est provoqué par ces personnages et il faut y répondre. Si tous les hommes, moins un, partageaient la même opinion, ils n'en auraient pas pour autant le droit d'imposer silence à cette personne, pas plus que celle-ci d'imposer silence aux hommes si elle en avait le pouvoir. Si une opinion n'était qu'une possession personnelle sans valeur pour d'autres que son possesseur, si d'être gêné dans la jouissance de cette possession n'était qu'un dommage privé, il y aurait une différence à ce que ce dommage fût infligé à peu ou à beaucoup de personnes. Mais ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que cela revient à voler l'humanité, tant la postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion davantage encore que ses détenteurs. Si l'opinion est juste, on les prive de l'occasion d'échanger l'erreur pour la vérité. Si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi considérable. Une perception plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit sa confrontation avec l'erreur. On ne peut jamais être sûr que l'opinion qu'on s'efforce d'étouffer est fausse. Et si nous l'étions, ce serait encore un mal. La principale Victoria vient d'être renvoyée. Oh, quoi ? Elle a été renvoyée ? Putain, c'est super ! Une nouvelle personne a été nommée pour essayer de faire de l'école de South Park un endroit plus progressiste et qui s'inscrit mieux dans l'époque actuelle. Vogue. Je vous demande donc d'accueillir... Monsieur le principal PC. Bon, je m'appelle PC, comme politiquement correct. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai ma claque que les groupes minoritaires soient marginalisés dans notre société. Et si je suis ici, c'est parce que cette ville est restée bloquée dans une faille temporelle. Des élèves qui continuent à utiliser le mot « débile ». Un prof qui dit qu'une femme sans utérus devrait passer un test de dépistage du sida. Ah oui, mais j'étais lesbienne à l'époque. Un chef, un homme de couleur, auquel les enfants faisaient chanter de la soul et qui ont fini par le conduire au suicide. Non, il a eu un lavage de cerveau par une sec. Ça fera 2 jours de retenue pour vous, jeune homme, on se verra à 16h. Quoi ? Je peux vous demander un truc, on est dans le Colorado, c'est ça ? Où sont les élèves hispaniques ? Hein ? Toutes les minorités raciales et ethniques, où sont-elles ? Nous avons le jeune Token, il est noir. Et ça fera 2 jours de retenue pour vous, McKay, mes félicitations. Quoi ? Moi, je suis en retenue ? J'ai fait des recherches sur South Park, sur le net avant de venir. Je comprends pas que vous puissiez vous en tirer avec les saloperies que vous avez faites. J'aime bien vous avertir, c'est terminé. Que ça vous plaise ou pas, PC est dans la place et il est plus puissant que jamais. Ouh, ouh, ouh, vous entendez ? C'est le son de 2015 qui vous fait arrêter vos conneries, point barre. S'il y a bien une liberté d'expression à travers une série, c'est sûrement South Park, cette série créée par Trey Parker et Matt Stone, qui a quand même été créée donc il y a un certain nombre d'années, en 97 il me semble, et donc on est quand même à 25 saisons de South Park, et ça illustre parfaitement le principe de liberté d'expression défendu par John Stuart Mill dans son ouvrage de 1859 de la liberté, texte assez connu dès qu'on invoque en fait ce principe-là. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit véritablement de liberté d'expression dans South Park ou juste d'une liberté de choquer ? Alors, en fait, oui, le texte de Mill est amusant parce qu'il essaye d'anticiper toutes les possibilités. Donc, si on me donne une vérité, je gagne la vérité. Mais si je dis quelque chose de faux, je gagne l'occasion d'être corrigé. Et c'est ce moment-là qui est amusant parce qu'il dit, au fond, même échanger donc des choses fausses... Des fake news. Des fake news, peut-être, en tout cas des opinions, parce qu'on suppose quand même qu'il y a une certaine sincérité dans l'échange, mais pourrait nous faire gagner en vérité. Donc on est tout le temps gagnant dans la liberté d'expression. Et c'est vrai que c'est ce moment-là où peut-être nous on a trouvé un inconvénient à cet échange de fake news, c'est que il est pas toujours sûr qu'on arrive complètement à trouver la vérité au milieu d'un océan de fake news. Mais je reviens du coup sur l'idée que la pop culture est un instrument un peu critique, parce qu'en fait effectivement elle nous force à interroger peut-être à la fois donc South Park quand il nous présente des choses qui sont disons outrancières, mais aussi le propre fait que South Park soit une série outrancière. Et à partir de cette saison 19, donc le principal PC, donc politiquement correct, arrive comme un spectateur qui débarquerait dans South Park en disant mais c'est quoi cette série complètement folle avec des insultes systématiques, quasiment aucune minorité représentée et finalement un point de vue peut-être très réac. Et donc le principal PC, c'est un petit peu le spectateur de 2015 qui dit à South Park voilà, vous êtes un gars. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ben maintenant, effectivement, le principal doit interagir avec les différents élèves. Les élèves lui lancent des défis qu'il va devoir résoudre avec les instruments du politiquement correct. Et finalement, la série met en scène cette espèce de débat qui n'a presque pas lieu, parce qu'il est impossible en fait. C'est un débat entre deux points de vue totalement radicaux. Aujourd'hui, on dirait en fait, je sais pas, les progressistes souvent contre ceux qui... Les conservateurs, les réacs. Alors voilà, c'est là où c'est moins clair, mais disons... ceux qui ne croiraient pas forcément une parole, disons, bien établie, une parole ou la parole des bien-pensants. Enfin, et effectivement, cette série, elle organise encore une fois ce débat qui est absolument crucial, auquel on peut pas échapper. Et alors, la série South Park, elle est plus intéressante que ça, notamment, parce qu'elle intègre ensuite les critiques. C'est-à-dire que Intègre les critiques pour pouvoir les démonter. Voilà, alors oui, c'est vrai. Mais ceci étant, c'est une esthétique, là, pour le coup, encore une fois, urticante. Enfin, vous l'avez dit, je vous reprends le mot, mais je trouve ça pas mal, parce que c'est vrai qu'elle est très réactive, en fait, comme c'est assez facile à faire un épisode. Il y a eu un épisode critiqué dans la saison 19 par un journaliste qui disait qu'on ne devait pas représenter Lord sous les traits du père de Stan. Ouais. Parce qu'en fait, bon, c'est un détail, mais Lord, la chanteuse, serait en fait un homme, bref. Donc c'est toujours les trucs un peu provocateurs de South Park, mais ce journaliste apparaît dans l'épisode suivant, sous un terme assez injurieux. Évidemment, c'est un mauvais journaliste, mais c'est l'idée de dire que on va pouvoir réagir à tout, quoi. On va rien laisser passer. Mais ce qui pose moi aussi la question en fait de la liberté d'expression telle qu'elle se pose en fait depuis quelques années et notamment aussi depuis quelques semaines avec le possible rachat de Twitter par Elon Musk, ça pose aussi moins cette question-là en fait que celle de l'expression, de la forme même de l'expression. Il y a une esthétique troll du libertarianisme, donc troll dans le sens où en gros on cherche à je reprends ce terme-là, pardon pour la vulgarité, à emmerder l'autre en fait, à ne pas proposer en fait une idée, mais juste en fait être ce poil à gratter, à juste vouloir faire craquer le vernis juste pour le plaisir de le voir craquer, mais qui au fond parfois ne produit rien. Alors je sais pas ce que ça produit, mais enfin ce que ça produit peut-être, c'est que chacun est supposé dévoiler ses vraies positions à l'issue de cette espèce de trolling. On est en fait vraiment du côté du principal PC ou du côté des petits ploucs de South Park. Mais c'est vrai que donc ce troll au fond participe un peu au débat démocratique en le réduisant à un pur problème de procédure, c'est-à-dire est-ce que tout le monde est entendu ou pas. Oui. Et si tout le monde est entendu, bah ça nous satisfait. C'est sans jamais tout à fait, et ça c'est vrai, parler du contenu, parler de la vérité. Alors là, je le dis quand même au passage, Mill, effectivement, lui, veut parvenir à une vérité. C'est pas juste parler pour parler ou parler pour savoir qui vous êtes. C'est une théorie de philosophie politique libérale, quoi. Donc, voilà. En tant que tel, alors que South Park, va juste jouer ce rôle de poil à gratter. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que si on est bloqué sur ce mode de procédure, c'est qu'il y a manifestement quelque chose qui ne se passe plus dans la démocratie. Ou peut-être des débats qui n'ont plus lieu. Ou des débats qui sont simplement des faux débats. Et donc, je pense que les deux, Trey Parker et Matt Stone, en fait, se donnent vraiment un rôle politique au sens où ils alerteraient. Alors là, je suis vraiment partisan, mais en vrai, j'aime pas énormément South Park, mais voilà, je les défends un peu. Mais ils alerteraient d'une forme de débat qui, en réalité, est de plus en plus, soit confisqué, soit affaibli, affadi, etc. Oui, mais en fait, le paradoxe de la position de South Park en s'attaquant au politiquement correct, et moi j'aime bien South Park, je dirais pas que je suis fan, mais j'aime bien South Park, mais je trouve que le problème que pose cette série sur l'expression ou la liberté d'expression, c'est qu'au bout d'un moment, ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'en fait, alors pour le coup, il y a un côté très égalitariste à s'en prendre à tout le monde, à décortiquer tous les stéréotypes, personne ne passe à la trappe, mais en revanche, ce qu'il dénonce, à savoir une uniformité de la parole, du discours, un affadissement, une apathie du débat public, ils le provoquent aussi, puisque finalement, ils s'obligent à occuper cette position de poil à gratter urticant et les autres à être toujours dans la bien-pensance. Donc en fait, ils créent en fait ce débat figé entre deux positions qui sont beaucoup plus nuancées que ça. Oui, non, alors pour South Park, c'est une satire. Donc c'est vrai qu'on n'attend pas forcément énormément de réponses sérieuses de la satire. Il y a au contraire une sorte de petite phrase qui est assez sarcastique. C'est je crois que c'est et alors qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, Stan? Voilà, il y a on essaye de savoir si on a appris quelque chose, mais en fait on n'a rien appris. Ceci étant, je crois que oui, il y a un côté poil à gratter, mais encore une fois, si on doit gratter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui manque, en fait, peut-être le plus à South Park, c'est la capacité à représenter des points de vue qui sont différents. Donc, un épisode, par exemple, assez connu sur les tueries de masse dans les lycées, puisqu'au fond, on sait que, je crois que c'est Matt Stone, si je dis pas de bêtises, bref, un des deux créateurs vient de Columbine. Columbine, c'est le Bowling for Columbine l'a rendu célèbre, c'est la petite ville où a eu lieu un massacre terrible, exactement, par un adolescent qui avait réussi à fournir des armes. Voilà, et c'est vrai que bon, Elephant, c'était le film de Gus Van Sant sur le même thème, mais eux doivent forcément se confronter à la question. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'effectivement, ils le font pas tout à fait. C'est-à-dire, ils le font juste avec un point de vue, qui est le point de vue de celui qui se trompe. En l'occurrence, quand la question est adressée dans la série, elle est adressée à travers la mère de Stan. Et tout de suite, en fait, tous les hommes de la ville disent « Ah, mais elle est folle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a ses règles ou pas ?» Ce qui est vraiment un niveau assez nul, en fait, d'humour. Mais ça veut dire que ils ne peuvent pas faire autre chose que finalement montrer l'insensibilité des hommes de la ville, ouais, sans jamais essayer de vraiment adopter le point de vue de celles qui trouveraient ces massacres répugnants, indignes et horribles. Et on a le même problème avec les violences policières, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, on se moque de Cartman qui représente le blanc mal dégrossi, raciste, et son comportement face à Token, donc qui est le seul élève noir et quasiment le seul noir de toute la ville. Et on se moque de Cartman, mais on n'a pas le point de vue de Token. C'est-à-dire que c'est le problème de la satire. C'est que la satire ne fera pas revenir dans le débat démocratique les voix qui ont été oubliées. La satire peut seulement dire le débat n'est pas tout à fait bien construit. Et peut s'attaquer seulement aux figures qui ont déjà la parole et dont la parole doit être déconstruite, mais effectivement ne va pas rendre visible les invisibilisés, c'est ça? Exactement. Ce qui fait que ça reste une première étape, mais une première étape, et à mon avis, ils le savent un peu, qui est insuffisante. Mais enfin, 25 saisons. Donc, les limites quand même ont été... il y a eu des tournants, j'imagine, dans cette série. Et puis, il faut aussi quand même se dire, je parlais d'Elon Musk, que là, la réalité dépasse maintenant cette fiction-là et cette satire-là qui rendait fictionnel le réel. Oui, alors en même temps, ils sont... En fait, le point de South Park, c'est qu'il y a... Je pense qu'il y a 25 saisons aussi parce qu'on aime les personnages. Et c'est peut-être le pendant plus sympathique du libertarianisme qui finit en fascisme, en fait. C'est qu'au fond, là, la médiocrité des personnages, elle est rassurante. Et elle est un petit peu comme elle est dans la plupart des comédies du même ton, c'est-à-dire Family Guy, Simpson, etc. C'est effectivement des sortes de sitcoms, mais qui sont pas juste supposées nous consoler. Elles sont supposées nous faire vivre avec des gens qui sont effectivement un peu limités, qui vont avoir toujours les mêmes problèmes, et au fond pour les accepter comme ils sont. Donc il y a une forme peut-être de tolérance que le public gagne à force, mais c'est encore une fois assez rare parce que maintenant et Trey Parker sont tous les deux là aussi ils viennent, je sais plus d'où ils viennent, mais disons qu'ils viennent de la campagne en gros, enfin de la province, et ils sont les seuls à porter un peu cette voix, et encore une fois ça veut dire qu'il manque des voix dans le débat. Merci beaucoup Richard Memto. Alors de vous on peut lire Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités, c'est paru aux éditions La Découverte en 2014, et puis ça a été réédité je crois récemment dans une version poche, oui, avec une postface inédite de vous-même, et puis vous avez aussi publié Sex Friend, comment bien entre parenthèses rater sa vie amoureuse à l'ère numérique, c'est paru aux excellentes éditions La Découverte. Merci beaucoup de nous avoir parlé de pop culture et libertarianisme. Il y avait beaucoup de choses dire et il y avait beaucoup de références et c'était pas facile cet angle-là. Merci beaucoup. Of a musician, yeah, I've got some. Some folks wanna ban cars, some wanna get rid of electric guitars. Why can't everybody else leave everybody else alone? Now the latest thing they wanna stamp out is violence on TV, and the worst of all is that Oscar-winning rabbit Bugs Bunny. Farewell, Foghorn Leghorn. So long, Yosemite Sam. They're messing with our heroes, and we gotta. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 minutes, bientôt 55, et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment travaille la psychanalyse? Chacun peut avoir son rapport à ce terme et à cette discipline sulfureuse qui a traversé plus d'un siècle désormais de revendications triomphales et de critiques apocalyptiques et qu'on appelle en effet la psychanalyse. Pourtant, on ne s'interroge jamais ou trop peu sur la construction même de ce mot et sur l'un des deux termes qui le composent. En effet, la psychanalyse est en effet une démarche qui, dans sa nomination même, indique une revendication théorique et scientifique. Parler de psychanalyse, comme l'a fait Freud dès le début du XXe siècle, c'est dire en effet qu'il se propose de diviser, de découper, de ramener à des éléments rationnels et maîtrisables ce qui nous paraît d'abord faire partie d'une unité confuse et inanalysable qui serait précisément notre psychisme dans ses dimensions les plus profondes et les plus mystérieuses. Notre désir sexuel, par exemple, ou nos pulsions de mort, nos pulsions les plus profondes, voilà que nous avons peur à les saisir et voilà que quelqu'un arrive en disant « je vais les analyser ». Alors, cela nous fait peur et ensuite cela peut être contesté. Est-ce que l'analyse va être pertinente? Mais en tout cas, la démarche est très claire. C'est une démarche scientifique, c'est une démarche analytique, c'est une démarche de découpage. Et par exemple, Freud va analyser le rêve, c'est-à-dire proposer une théorie, une description, un découpage des éléments qui le composent. Il y a l'élément apparent et puis il y a l'élément caché qui justifie une certaine interprétation du rêve. Par exemple, en termes de désir refoulé. On peut critiquer la psychanalyse, mais elle a au moins le travail, la tâche d'analyser justement, c'est-à-dire de fournir une sorte de doctrine élémentaire des composants fondamentaux de notre vie psychique. Bien sûr, elle le fonde sur une certaine théorie du désir qui a pu au début être confondue avec une théorie déterministe des pulsions biologiques à l'œuvre dans notre vie. D'autres ont plutôt fait de la psychanalyse une démarche existentielle qui interprète le rêve ou nos actes manqués ou notre vie par des éléments de chaque vie individuelle, ou d'autres enfin l'ont plutôt analysé en termes linguistiques comme dans la psychanalyse lacanienne. Il y a plusieurs théories psychanalytiques et on a beaucoup reproché à la psychanalyse d'être théorique. Parfois on lui reproche de ne pas être scientifique, parfois d'être beaucoup trop théorique, c'est-à-dire en effet de proposer des modèles à chaque fois différents pour expliquer des faits par des raisons. Mais ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de ne pas fournir les arguments pour ces interprétations. La psychanalyse est en effet une démarche analytique. Peut-être que ce qu'on peut lui reprocher, ce n'est pas d'être confuse, c'est au contraire de nous priver de cette expérience intuitive, unitive de notre vie, de cette psychosynthèse que nous vivons. Oui, elle vient découper parfois cruellement notre expérience spontanée de la vie, du désir et de l'amour, mais c'est pour nous les rendre. C'est pour nous les rendre non seulement analysés, mais peut-être thérapeutiques, peut-être un peu réparé pour le meilleur et non pas pour le pire. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à écouter, réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Thaïs Eloi-Hammer, Antoine Ravon, Anaïs Isbert avec Louise-André et Nicolas Berger à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui, Ludovic Auger. Merci à François Raison à la lecture des textes. Si vous voulez réécouter cette émission et toute cette semaine d'ailleurs sur le libertarianisme, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi et demain, place à un objet inattendu de la philosophie, place au sucre. Si, c'est très philosophique, vous allez voir, ce sera avec Thierry. Ok, à demain sur France Culture.